Cours numéro 45. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Qala al-imam ibn Hibban, rahimahullah, dhikrul hathi ala i'ta'i suwal wa talabil ma'ali. Le 45e chapitre, al-hath ala i'ta'i suwal. Al-suwal bi tajdid al-waw. Un shadda ala al-waw. Suwal. Aïe, c'est al-sa'il. Ladhi yas'al. Ne pas lire wa i'ta ala i'ta as-su'al. As-su'al, c'est la demande. Là, on a c'est su'al. Ou plutôt as-su'al. On a si j'ai le waw, là, c'est bi tajdid al-waw, yun hamza. Ala i'ta as-su'al. As-su'al, c'est le fait de demander. As-su'al, sans at-tajdid, c'est la demande. Donc, on a al-hath ala i'ta. السؤال وطلب المعالي أي si quelqu'un te demande, c'est lié au chapitre précédent, si quelqu'un te demande, fais tout pour répondre à sa demande. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المؤمن في ماله حق للسائلين. Il y a une part pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui demandent. Voilà, chacun a certains croyants. Ils sont tellement vieux, في حاجة في شدة, ils demandent. Et la pauvreté, le besoin, ça les pousse à cette demande. ففي هذا الحال, في هذا الحال, essaye d'appliquer ça. Essaye d'appliquer هذه الأدلة. On a cité cette ayah. Ça y a dit ma'ana al-hadith et d'autres preuves. Inch'Allah. On peut citer Kadalik. On lit déjà le hadith. Qala rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Salih al-Tabari bi al-Saymara. Qala haddathana Abu Kuray, Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Qala haddathana Mus'ab ibn al-Miqdam. Qala haddathana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir. عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا ولا ضرب بيده شيئا قط صلى الله عليه وسلم قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. النبي صلى الله عليه وسلم il n'a jamais dit non plutôt quand quelqu'un lui demandait. À chaque demande du Nabi صلى الله عليه وسلم il répondait, il donnait. وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْءٍ قَدْ. Il n'a jamais frappé avec ses mains. Al-Hadith قَالَ Al-Muhaqqiq أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْضِ بِنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَقِ وَالشَّطْرُ الْأَوَّلُ مِنْهَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Ce hadith, il y a deux parties. La première, مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ شَيْءٍ قَدْ فَقَالَ لَا. Et c'est le thème de notre chapitre. Cette partie, elle est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Hadith Jabir. La deuxième partie, قَوْلُهُ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ, il n'a jamais frappé avec ses mains, قَالَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصَّحِيحَ. Donc la deuxième partie, elle est fi Musnad al-Imam Ahmed et Cheikh al-Albani, il l'a sahah. Et l'imam Ibn Abi Dunya, رَحِمَهُ اللَّهُ, cette riwaya, il a cité les deux parties dans le même hadith. Donc là, chaque année, le hadith, il est sahih. Ma su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam shay'an qat faqala la. Il n'a jamais dit non, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais repoussé, refusé la demande de celui qui demandait. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, qala, wa kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yarud sa'ilan. Famin al-akhlaq al-fadila an la tarud sa'ilan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne repoussait jamais as-sa'il. Quand il lui demandait, il lui donnait. فَمِنَ الْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَ, parmi les bons comportements, c'est de donner à celui qui demande. Pourquoi? لِأَنَّ celui qui demande, il est هَذِهِ الْحَالَ الضَّيِّقَ هَذِهِ الْحَالَ الضَّيِّقَ. Et s'il a demandé, c'est qu'il est حَاجَ. On va citer une catégorie de gens qui demandent et c'est des menteurs. Là, on prend la première catégorie des gens sincères qui n'ont pas l'habitude de demander. Là, ils sont dans une situation, ils n'ont plus le choix. Si tu peux répondre à sa demande, fais-le. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurab yawm al-qiyama naffasa Allahu anhu kurbatan yawm al-qiyama, comme on a vu dans le chapitre précédent. Et c'est très très difficile pour le mu'min de demander et que wahed, que celui qui est en face, il ne lui donne pas. Et encore plus grave s'il se fait repousser et avec force et avec mauvais comportement. Donc hada c'est muhim. Kadhalik, mets-toi à la place de ce mu'min. Certains croyants, ils tendent la main ou ils demandent. C'est pas parce qu'ils ont envie. Là, c'est parce qu'ils ont atteint une situation où ils n'ont pas le choix. Yanta, mets-toi à sa place. C'est très très difficile, Ikhwan, de demander à un autre. Demander à un autre de l'aide, de l'argent ou autre. C'est très très difficile. Si on peut alléger à nos frères, c'est min al-akhlaq al-fadila. Ça fait partie des bons comportements. قال لكن إذا علمت أن هذا السائل toujours كلام شيخ العثيمين رحمة الله عليه إذا علمت أن هذا السائل يستكثر بسؤاله فانصحه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. Il y a une catégorie de personnes qui demandent alors qu'ils ne sont pas fi haja. C'est devenu un métier. Et ils mentent et font apparaître la pauvreté, le besoin, alors qu'ils ont, ahyanan, ils ont plus que celui qui, à qui ils demandent. C'est devenu un métier. Ça arrive dans beaucoup de pays. Enfin, si tu as connaissance, un qarina, un indice, quelque chose qui te montre annahu il ment, ou on t'a informé, conseille-le. Ne lui donne pas, il y en a. C'est de l'entraide, fil ithm ou l'udwan. Peut-être que les gens ils vont te voir donner, ils vont donner. Puis, Adelhal, conseille-le. Et rappelle-lui ce genre de hadith. Dis-lui, tu es un mu'min, crains Allah Azza wa Jalla, hadhihi dunya za'ila. Cet homme qui va te donner un dirham, deux dirhams, cinq dirhams, dix dirhams, plus, moins. C'est que, min ad-dunya, ça partira. Et tu lui cites, mit l'hadha al-hadith. Qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sa'ala al-nas amwalahum takathuran. Celui qui demande aux autres de l'argent, takathuran, c'est comme un métier pour s'enrichir, pas parce qu'il a besoin. Là, il a, Obama, il devient riche avec cette façon de faire. Innama yas al-jamran. C'est comme s'il demandait jamran, une braise. Ce que tu lui donnes, tu vas lui donner une pièce ou un billet, c'est comme de la braise, c'est du feu. Et le feu, ça fait beaucoup de mal. Fal yastaqila ou yastakthir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il demande beaucoup ou qu'il demande peu. Ce qu'il demande, c'est du feu, c'est du char. Wa qala rahimahullah dans un autre kalam, lakin bala'una fil haqiqa fi rad as-sa'il huwa anna kathiran min as-sa'ilin kadhibun. Sahih, on vit à une époque, encore plus dans certains endroits, anna beaucoup de gens ils ne donnent plus à cause de hadhihi al-balwa. Annahum ils mentent. Ils ont les capacités de travailler, lakin pour eux c'est devenu une façon très simple. Ils s'assoient dans un endroit, ils tendent la main et les gens ils lui donnent. Imma il a, imma il n'a pas. Pas parce qu'il n'a pas, là parce qu'il ne veut pas. Il peut travailler, bel bardohom, il leur propose. Il leur propose certaines choses, lakin ils veulent pas, ils se contentent de hada. C'est pour ça que beaucoup de gens ils ne donnent plus aux pauvres. Et via d'albab, on doit être wasat, le juste milieu. Le juste milieu. Comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen dans la première kalima. Alhamdulillah, si il est connu, il n'a pas. Et, alhamdulillah, en apparence, il a vraiment besoin. Il n'y a rien qui prouve annahu il ment. Fata'awun ma'a. Et s'il ment, anta tu es récompensé. Ça ne change rien anta ta situation. Et lui, en qiyama, il rendra tes comptes. Si tu as des indices ou des preuves à nahouillement, ne donne pas. Et haoula ma'a ismihim, le péché qu'ils ont en demandant, en mentant, ils ont un autre péché à nahoumi, ils privent ceux qui méritent. Il y en a بعض الناس كما قال الشيخ رحمه الله il s'abstient de donner. Et tu trouves احيانا واحد qui a vraiment besoin. Il est في حاجة حرجة. في حالة حرجة في ضيق. Et il demande et tu trouves les gens ils le repoussent ou ils ne lui donnent pas les mains. Ils ont peur. Ils ont peur que ça soit un menteur. Donc هؤلاء à cause de leurs mensonges et leur façon de faire, ils privent ceux qui ont vraiment besoin. Un autre point important, هنا قول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر. Il y en a أحيانا tu ne comptes pas donner ou tu n'as pas de quoi donner ou tu n'as pas de monnaie sur toi. المهم, tu as une excuse parmi les excuses. لكن il y a une différence entre ne pas donner et repousser, ridiculiser, humilier ce mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. السَّائِل, donc c'est celui qui demande. فَلَا تَنْهَرْ. قال الشيخ سعدي رحمه الله dans son tafsir, الآية من سورة والضحى. لَا يَصْدُرْ مِنْ كَلَامْ لِلسَّائِلْ يَقْتَضِي رَدَّهُ عَلَى مَطْلُوبِهِ بِنَهْرٍ وَشَرَاسَتِ خُلُقْ. Fais attention de ne pas repousser Hadha Sa'il. Le fait de ne pas lui donner, bah, si tu n'as pas ou tu n'as pas de monnaie ou tu as déjà donné un autre ou tu ne veux pas, Hadha, tu as le droit. Lakin, le repousser comme ils font certains avec Kalam, Iyadam Billah Bardoum, ils ont de l'orgueil et ils humilient les pauvres. Khasatan, ils sont assis dans un restaurant, dans un endroit, il y a du monde et tu trouves Abdel Masakin, ils n'ont même pas de quoi manger. صحيح أن بعضهم يفون l'erreur, ils demandent beaucoup et ils se rassemblent. في هذا الحال اصبر أخي الكريم, بل في هذا الحال analyse, regarde et prends des dolences de cette situation. احمد الله, Allah t'a donné. كذلك mets-toi à leur place, peut-être qu'un jour tu peux être à leur place. Est-ce que tu aimerais qu'on te repousse? كذلك صحيح, certains ils ont un mauvais comportement. يا أخي, l'ignorance, la pauvreté, بعضهم la faim et ça peut pousser à ce genre de choses. À garder son calme via d'al-hal. Même si tu ne donnes pas, ihdar min al-kalam. Certains ils les insultent, certains ils les accusent. Alors que certains ils sont vraiment dans le besoin. Ne pas tomber dans la paranoïa. Ana khalas, chaque pauvre anaou c'est un menteur, c'est un lakhil kari. Certains ils ont vraiment besoin. Qala bal a'tih ma tayassar 'indak aw ruddahu aw ruddahu na'am bi ma'ruf wa ihsan. Donne-lui, si tu as envie de donner, et si tu donnes, tu as une énorme récompense. Si tu ne donnes pas, montre-lui, même s'il a un mauvais comportement, même si montre-lui avec un kalam jamil. Et avec rifq, avec douceur. Ça, c'est une faïda. Ne pas comprendre min hada. C'est que celui qui demande al-mal, kadhalik celui qui demande al-ilm. Celui qui te demande shay min al-ilm, si tu as de la science, il m'a une question, il m'a un cours, il m'a du temps. Fi hadha al-hal qala wa li hadha aw qabla dhalik, n'am, donc la même chose, si tu peux pas, si tu peux, fais-lui profiter. Lakin ahyanan la shak anna le cheikh ou le professeur ou le frère, s'il y a beaucoup de demandes, il ne peut pas répondre à toutes les demandes. Lakin il y a une façon. Il y a une façon de répondre. Billati ya ahsan. Khasatan, s'il a demandé bi adab, tu réponds bi adab. S'il a été maladroit, s'il a été maladroit dans sa façon de formuler, anta essaye de répondre billati ya ahsan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wal-i'ana. Qala ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه. نعم, لأن celui qui demande ce ilm, il a un haq, il a des besoins. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné du ilm, c'est une ni'ma azima. Il ne doit pas oublier كذلك par où il est passé. Avoir cette douceur avec ceux qui recherchent al-ilm. قال فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. كذلك c'est une cause pour l'aider. ربما le fait de le repousser إلى آخره, ça le repousse complètement, il s'écarte du ilm et il retombe dans des péchés. Enfin, on doit faire attention. Même quand l'insan il est fatigué, même quand il y a beaucoup de demandes, c'est pour ça que أحيانا ne répond pas directement. Hena, on te pose une question, on te demande un cours ou là autre. Et tu es fatigué, Emma, tu ne peux vraiment pas. Laisse du temps. Laisse du temps si tu as peur d'être maladroit. Et tu verras qu'avec le temps, alhamdoulilah, si tu peux lui répondre, tu ne peux pas. T'essayes de lui montrer que tu peux pas. Et Kadalik, celui qui demande, Huna, c'est comme pour la demande d'argent. Ne pas insister. S'il peut pas, il pourrait, il te donnerait du temps. S'il peut pas, il peut vraiment, il ne peut pas. Donc, on a le insister trop. Il a enfin, ça peut pousser à certaines choses mauvaises. Enfin, celui qui demande, il doit s'attendre à une réponse positive ou négative. C'est comme celui qui demande de l'argent. Quand tu demandes quelque chose, ça peut être oui ou non. Enfin, hakadavi al-ilm. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq lil jami'. هذا الكلام من تفسير الشيخ سعدي رحمه الله l'explication de تفسير سورة والضحى. On revient à كلام ابن حبان رحمة الله عليه. قال أبو حاتم رحمه الله إني لأستحب للمرء طلب المعالي من الأخلاق مع ترك رد السؤال. رد السؤال. نعم. On doit s'habituer. On a السؤال. On a l'habitude du mot سؤال. لكن هنا ceux qui demandent. قال لأن عدم المال خير من عدم محاسن الأخلاق. Deux choses هنا. Les bons comportements avec le fait de répondre à la demande de celui qui demande. قال والندامة موكلة بترك معالجة الفرصة وإن الحر حق الحر من اعتقته الأخلاق الجميلة كما أن أسوأ العبيد من استعبدته الأخلاق الدنية. نعم الحر celui qui est libre c'est celui qui est affranchi par ses bons comportements. هذا il est libre. Et l'esclave, c'est celui qui est esclave de ses mauvais comportements. قال ومن أفضل الزاد في المعاد ومن أفضل الزاد في المعاد اعتقاد المحامد الباقية ومن لزم معالي الأخلاق أنتج له سلوكها فراخا تطير بالسرور. لا شك أن les bons comportements et parmi les bons comportements, le fait de donner à celui qui demande, ou même si on donne pas, le fait de si on ne lui donne pas, on ne le repousse pas durement, ça peut que être bénéfique pour ce musulman. قال رحمه الله وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي بادر هواك إذا هممت بالصالح وبالصالح خوف العوائق أن تجيء فتغلب. إذا هممت بشيء إذا هممت بسيء فتعده وتجنب الأمر الذي يتجنب. هذا كلام جميل. أن si tu veux faire du bien, خوف العوائق أن تجي فتغلب. Fais attention à العوائق. Ce qu'on a expliqué dans le dans précédent. Repousser par des si, par des plus tard. لأن الدنيا ça se passe très très vite. Ça tourne très très vite. Les situations elles changent très très rapidement. Allez, là, si tu peux faire le bien, ne repousse pas. Tu dois faire le hajj, tu as l'argent, tu as la capacité, ne repousse pas. Matadri, une maladie, une pandémie, une musiba min al-masa'ib, et tu peux plus faire le hajj. Tu veux aider un frère, kama taqaddam, aide-le. Fi sabilillah, ne repousse pas. Peut-être qu'il viendra un moment, tu pourras plus l'aider. Wa hakada. قال أبو حاتم ما ضاع مال ورث صاحبه مجدا ما ضاع مال ورث صاحبه مجدا. نعم. Le fait de donner ce mal, ces biens, cet argent, c'est pas du gaspillage, évident. Si tu donnes l'illah, tu retrouveras ce que tu as donné يوم القيامة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مرة كما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ils avaient sacrifié une bête et تصدقوا بها ils ont donné en صدقة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il est rentré, il a demandé à عائشة qu'est-ce qui reste de cette bête. Elle lui a dit reste telle partie الكتف فيما أذكر. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit il reste toute la bête sauf cette partie. tout ce qui a été donné en sadaqa, ils le retrouveront. Et au moins le qiyam, c'est du âge, c'est des récompenses. Donc c'est pour eux. Et cette partie qui est restée, fa'al haqiqa, le robot mal partira. Et mal se fera manger ou autre. Ça nous montre un al-khayr. Si tu qaddames du khayr avec sincérité, ne pense jamais que c'est du gaspillage. Tout ce que tu donnes, fisabilillah, tout ce que tu fais, on le répète, Huna, c'est pas que l'argent. Le temps que tu donnes pour l'ilm, pour enseigner, pour conseiller, pour faire profiter aux autres, l'entraide avec tes frères, toutes ces forces que tu donnes, que tu mets, ne pense pas que Hakada, c'est dans le vide d'Abaton. Allah subhanahu wa ta'ala, karimun, tout est noté, tout est enregistré. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Celui qui fait un atome de bien, il le verra. يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال ولولا المتفضلون مات المتجملون وليس يستحق المرء اسم الكرم بالكف عن الأذى إلا أن يقرنه بالإحسان إليهم. الكرم c'est pas le fait de ne pas faire de mal. الكف أو بالكف عن الأذى. Ça c'est pas le karam. بعض الناس صحيح ils disent mais moi je fais pas de mal. Mais moi, j'ai rien fait, min hadha al-kalam. Ça suffit pas. C'est pas min al-karam. Yanna hadha al-haqiqa, c'est normal. Ne pas faire de mal, c'est normal. Al-karam, c'est quelque chose en plus. C'est ne pas faire de mal et faire du bien. Fali hadha qala. Walaysa yastahiqu al-mar'u ism al-karami bil-kafi an il-adha. Et ne pas faire de mal. Si tu veux faire partie de al-kurama, illa an. Ne pas faire de mal aux autres, ça c'est normal et c'est important. Et faire du bien, c'est ça le karam. Les deux, ne pas faire de mal, faire du bien. Si on le répète, si on fait du bien, c'est pour espérer la récompense. Voilà aussi les gens, ils ne remarquent pas. Voilà aussi les gens, ils ne complimentent pas. Alhamdulillah. L'objectif de chacun de nous, ça doit être rida Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal ya'is man tala umruhu fi ghayri al-khayr wa man lam yata'assa bi ghayrihi fi al-khayr kana 'ajizan. Na'am, hadha c'est كما قال اليائس اليائس من طال عمره في غير الخير des années elles passent في غير الخير des années ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا ولا ولا عبادة ولا سجود ولا ركعة لله عز وجل هذه سين مصيبة تنمط هذا أن العمر cette durée de vie que Allah سبحانه وتعالى إلى Il a décrété à chaque être humain une durée de vie précise. C'est ton capital, Akhil Karim. Ça sera pour ou contre toi. C'est la chose la plus importante. Ton physique seul. Le physique qu'Allah t'a donné. Enfin, bien sûr, tu dois faire des causes pour en prendre soin. Bien sûr, tu dois faire des causes pour préserver ce physique. Lakin, j'ai cité le physique. Limadha, liyanna, on vit à une époque. Anna kathiran minan nas. Ils ont oublié. Le temps. Ils pensent qu'au physique. Pour entretenir leur physique, ils se font du mal. Et ils utilisent le temps fil haram pour entretenir leur physique. Mais celui qui a cette base, la durée de vie, c'est mon capital. C'est sur quoi je serai interrogé. وَنِعْمَتَانَ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاخُ. Deux ni'mas, beaucoup de gens, ils seront perdants. Ils ne connaissent pas la véritable valeur, ils n'en profitent pas. الصِّحَّةُ, la bonne santé, وَالْفَرَاخُ, le temps libre. Ce temps libre, c'est ta vie. On répète son kalam. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَمَنْ كَثُرَ فِي الْخَيْرِ أو plutôt après ومن كان عيشه وحده او قبل هذا نسيت. نعم، والياء اسم طال عمره في غير الخير. في attention de ne pas faire partie de هؤلاء. Ce temps, comme certains, ils sont brillent avec leur argent. Ils comptent chaque pièce et ils font très très attention aux sorties, aux entrées. Les malades, ils ont cette maladie dans le cœur et ils sont attachés à Dunia. Et vu que c'est leur priorité, leur objectif, ils vivent que pour ça. Enfin, ils sont inquiets, ils font attention. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent de la valeur à cette Dunia. Anta. هذه الهمة وهذا الحرص mets-le sur ton temps. Chaque minute, fais attention. La tadhi'a. Et nous, à notre époque, on peut parler de... C'est même plus le problème de minutes, c'est le problème de jours, de semaines, de mois, d'années. Fais attention. Maintenant, on vient de commencer une nouvelle année. L'année 1443 de Al-Hijra, Al-Nabawiyya. على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. Qu'est-ce qu'on a fait l'année 1442? C'est sur ça que tu dois te demander des comptes à toi-même. C'est sur ça que tu dois faire le hisab. بعض الناس مثلا همهم, on a dit, c'est que leur compte en banque. Combien il reste? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que... Ils sont comme ça, ils oublient le waqt. Ton temps, akhi al-karim, cette année elle est passée, une année entière elle est passée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans cette année? Qu'est-ce que tu as appris? Ce que tu as mis en application? Tu t'es corrigé? Tu as progressé? كذلك من الأسئلة المهمة, si la mort elle vient tout de suite, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Les questions, man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk, dans la tombe, la première chose sur quoi il sera interrogé l'être humain yawm al-qiyamah, anis salat, ma salat, j'en suis où, l'heure, etc. La sincérité. Ce livre, qu'on a étudié ensemble, celui qui l'a compris, ce livre, il te facilite à remettre les choses en place, les priorités à leur place. Al-waqt, par rapport à l'argent, par rapport au temps, par rapport à l'entraide, par rapport au comportement, par rapport à la langue, par rapport à... Comme min masail. Qala rahimahullah. ومن لم يتأسى بغيره في الخير كان عاجزا. المؤمن يستفيد, نعم يستفيد من إخوانه. أحيانا tu peux être dans l'insouciance, في غفلة, tu n'as pas pensé à certaines choses et tu vois ton frère مؤمن faire un خير et ça te rappelle أنه il a fait ce خير. S'il l'a fait, c'est que c'est possible, c'est que je peux le faire. Et أنت ça t'encourage. والمؤمنون يتعاونون هكذا. قال كما أن من استحسن من نفسه ما يستقبحه من غيره كان كالغاش لمن تجب عليه نصيحته. هذا مرض خطير. من استحسن من نفسه ما يستقبحه من غيره. Ce que les autres y font, c'est mauvais. Et quand c'est lui qui fait, c'est bien, il se trouve des excuses. Ça c'est un مرض. Ça c'est من الهوى. Là, si c'est pas bien pour les autres, c'est pas bien pour toi. C'est ça l'asl. قال رحمه الله ومن لم يكن له هم إلا بطنه وفرجه عد من البهائم. Celui qui pense qu'à son ventre, à le bâton et à son forge, الشهوة, ses envies, فعد من البهائم. هذا il est considéré comme une bête, comme un animal. Pourquoi? لأن البهائم, ils ont été créés pour cela. Ils ont été créés, il y a une énorme faïda pour l'être humain, il en profite. Et al-baha'im, ils mangent, ils se reproduisent. Al-baha'im. Il y a une énorme faïda, le fait qu'ils mangent et qu'ils se reproduisent pour l'être humain. On profite de leur viande, de leur lait, de leur peau, de beaucoup de choses. On fait attention de ne pas délaisser. Ma akraman Allahu azza wa jalbi. Al-aql. Notre raison, la foi, al-Qur'an, wa sunnah. Et on délaisse tout ça et yadam billah, on vit comme des animaux, comme des bêtes. قال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما dans ce verset Allah il a cité les deux choses. يتمتعون, أي en se reproduisant. قال عز وجل والذين كفروا, ça c'est وصف الكافرين. من أوصافهم parmi leurs caractéristiques أنهم يتمتعون ويأكلون. Donc ils prennent du plaisir en se reproduisant. ويأكلون et ils mangent كما تأكل الأنعام, comme les animaux. والنار مثوى لهم, et leur refuge ça sera le feu. فاحذر أخي الكريم, tu as été créé pour quelque chose de très très important, très très noble, très très عظيم عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de l'adorer seul. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى nous a créé ainsi que les djinns que pour qu'on l'adore. C'est ça la base. Tout le reste c'est pour cette adoration. Tu te maries, c'est pour te préserver, pour pouvoir adorer Allah, pour pas tomber dans le haram. Tu manges, c'est pour pouvoir garder la santé, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire la salat. Tu travailles, c'est pour avoir de l'argent, pour te préserver, préserver ta famille. Et tout ça pour adorer Allah. Tout moi, tu espères après la mort, profiter. Le fait de profiter, de prendre du plaisir, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas de fit dunya, on ne prend pas de plaisir fit dunya. Là, la kin fit dunya, ce n'est pas la priorité, on n'a pas été créé pour ça. Et ma hada, min rahmatillahi azza wa jalla, fit dunya, on doit adorer Allah azza wa jalla. Et ma hada, c'est permis de prendre du plaisir tant que c'est dans le halal, etc. La kin si, l'insan, il n'a plus ce genre de priorité, ce genre de base, de principe, ça devient comme un animal, comme une bête. Et ta'ammal hal al-kuffar. وللأسف من تشبه بهم من المسلمين. Cette période l'été, tu trouves voir des gens, ils vivent comme des bêtes. Ils vivent la nuit, et pour ceux qui font du haram dans le haram, ils pensent qu'à manger, restaurant, thumma haram, thumma, il faut qu'ils sortent, thumma ils s'exposent. Et ils sont dans des positions au bord de la mer, comme des animaux. Comme, il n'y a aucune différence. Il y a une énorme différence, c'est que l'animal, il a été créé pour ça, il n'aura pas à rendre de compte. Cet être humain qui vit comme un animal, il n'a pas été créé pour ça, il rendra des énormes comptes. Tu les trouves, on te hal al-kuffar. Donc ils mangent, thumma ils dorment, thumma ils s'accoupent, thumma, comme des animaux. La akhlaq, pas de principe, pas... quand ils sont éprouvés, khalas, ils ne savent plus comment faire. أما المؤمن إلى دي برانسيب ومن أعظم هذه المبادئ parmi ces principes les principes les plus importants du مؤمن أنه il doit obéir à Allah عز وجل. Il ne veut pas comme un animal. Certaines choses tu as le droit. Maintenant tu as le droit de te baigner. Si on prend l'exemple qu'on a donné d'aller à la mer, tu as le droit. C'est pas haram. Lakin tu as des principes. Tu dois obéir à Allah عز وجل. Je vais me baigner après la salat. Je manque pas la salat. Je m'organise par rapport à la salat. Je fais ma salat obligatoire. Je dois nager maintenant avec une tenue. Je dois pas me dévêtir. Je dois pas être dans un endroit où qu'il y a des femmes dénudées. Il a créé des principes. Enfin, si tu peux te baigner avec ces règles, alhamdulillah, tu ne peux pas. Enfin, tu n'es pas un animal. Tu n'es pas une bête, tu délaisses l'Illah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Qu'est-ce que tu vas perdre si tu n'as pas nagé? Lakin on vit à une époque kathir minan nas, vu qu'ils ont ce manque de principe. À cette période d'été, il faut absolument qu'ils fassent des choses comme si c'était des animaux. Manger et s'accoupler et na'oudou billah. Na'oudou billah wa na'hamadou Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mati al-islam wal-istiqama. Qala wal-himmatu. تبلغ الرتبة العالية لأن الناس بهمتهم. Un autre point important, الهمة. الهمة, avoir des objectifs. La motivation. Tu as des objectifs, je dois faire. Dans tout, c'est مهم. الهمة تبلغ الرتبة العالية. C'est une cause pour atteindre les hauts rangs, que ce soit في الدنيا ou في الآخرة. في الدنيا, vous avez remarqué que les gens ne sont pas tous au même niveau. Que ça soit niveau social, que ça soit niveau santé, que ça soit dans tous les domaines. Les gens ne sont pas au même niveau, que ça soit au niveau financier, on n'est pas tous au même niveau. Celui qui a une himma dans un point, en général, dans un domaine, en général, tu le trouves, il atteint au rang. Et vu que nous, on sait que l'essentiel, c'est din, l'essentiel, c'est notre religion, le plus important, c'est la foi, c'est tawhid, c'est la science, c'est la mise en application, c'est le suivi du prophète alayhi salatu salam, etc. فلتكن همتك dans ce domaine. Et des objectifs, Akhil Karim. Et des objectifs, finir tel livre, commencer à mémoriser tel livre et le finir, essayer d'appliquer telle chose. Ah, mais celui qui n'a aucun objectif, jour après jour, encore plus si son temps profitable, il est fait dunya, et quand il a un peu de temps, il est fatigué à la fin de la journée, un peu pour le din, il avancera par rapport à ses efforts. أما الهمة العالية أن tu fais des efforts pour devenir un savant بإذن الله عز وجل. Tu fais des efforts pour atteindre al-firdaus al-a'la. Tu fais des efforts pour faire partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a agréé. Tu fais des efforts et tu verras. Tu verras que هذه الهمة bien sûr si elle est accompagnée de sincérité. C'est deux points. همة être motivé à avoir des objectifs et être sincère. Tu verras que بإذن الله عز وجل ça te ouvrira les portes, ça te conduira dans les hauts degrés. Comme les gens, ils ont une himma aliyah fi dunya. Ils se lèvent très très tôt. Et des projets, des appels téléphoniques, des voyages, des himma aliyah fi dunya. Énormément d'efforts. Oh pardon, mais ils ont atteint, si tu prends le niveau financier, c'est devenu des millionnaires. Himma. Ils ne sont pas restés chez eux dormir, là. Ils aiment l'argent, ils ont fait des efforts et ils ont atteint un certain niveau. Lakin anta ta himma doit être dans al-anfa' ad-dunya za'ila, sans négliger. Lakin vu qu'on n'a qu'un cœur et vu qu'on est limité dans beaucoup de choses, tu ne peux pas faire des efforts dans tout. Fais des efforts fi ad-din, fi al-ilm. Himma 'aliya et tu verras les fruits bi idnillah 'azza wa jalla ici-bas avant l'au-delà. قال رحمه الله وأنشدني الكريزي لا تحقرن صنيع الخير تفعله ولا الصغير فعال الشر من صغره فلو رأيت الذي استصغرت من عند الثواب أطلت العجب من كبره. أبيات جميلة أبيات جميلة pour nous montrer le fait de ne pas minimiser الخير et كذلك de ne pas minimiser الشر, les péchés. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمر. رواه البخاري ومسلم. كخني الله ولو بشق تمر. الشق هنا c'est نصف. Une date que tu partages en deux. Crains Allah avec cette moitié et en la donnant fi sabilillah. Si on revient à notre sujet, le fait de ne pas rejeter ceux qui demandent, peut-être que anta il te demande, ça ne veut pas dire que tu dois lui donner énormément. Ou illa si tu n'as pas énormément, tu le repousses. Walaw bi shiqqi tamra. La valeur d'une moitié de date. Une date, ça ne vaut pas grand-chose. Le kilo de date, il est abordable au lillahi alhamd. Fa ma balouk une date, ma balouk la moitié. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qali ittaqun nar, khini Allah. Ay, cette sadaqa avec la moitié de cette date, ça peut être une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve du feu. Ça peut être une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre énormément de portes. Wallahu fi auni al-abd walaw kan wala na'am wallahu fi auni al-abd walaw kan nasi wallahu fi auni al-abd ma kan al-abd fi auni akhi hakadha. Donc, le fait de donner une moitié de date, voilà, chaque année, c'est minat ta'awun, fa Allah, il t'aidera. Ou fi hadith Abi Dharr, radiyallahu anhu, qala lil nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Dharr, la tahqiranna min al ma'ruf shay'an, walau an talqa akhaak bi wajhin talq. La tahqiranna min al ma'ruf shay'an. Le hadith, il est clair. Le hadith, il est wadih. Anna, ne néglige pas min al-ma'ruf shay'an. Ne néglige pas du bien une chose, n'importe quelle chose. Tant que c'est du bien, ne néglige pas. Walaw an talqa akhak. Même le fait de rencontrer ton frère, bi wajhin talq, avec un visage souriant, agréable. Qu'est-ce que tu perds? Tu perds rien. C'est pas, dans ce cas, donner de l'argent, un effort physique. Tu n'as rien à faire. Un visage souriant, ça demande aucun effort. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité Ada, ça fait partie de l'ma'ruf. Si tu rencontres ton visage avec ton frère avec un visage souriant, c'est min al-ma'ruf, tu as des hasanat. Ful muqabil, concernant les dhunub, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. Il y en a le vers de poésie, il a cité le bien, on le répète, لا تحقرن صنيع الخير تفعله. Et il ne minimise pas le bien. L'imam, il y en a, si tu minimises le bien, ça t'empêchera de le faire. Donc si c'est une sadaqa, même donner un dirham, même 50 centimes, même une date, alhamdulillah, il y a du khayr. On a cité des hadiths. La deuxième partie, ولا الصغير في عال الشر من صغره. Kadhalik, fais attention de ne pas minimiser les péchés. Telle chose, c'est pas grave. Ce péché, c'est pas grave. Allah, il est ghafour ou rahim. J'arrêterai plus tard. Fais attention, akhil karim. Liana nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, iyakum wa muhaqqarat al-dhunub. Thumma il a cité un mithal azim. Faites attention, min muhaqqarat al-dhunub. De ne pas donner d'importance aux péchés. Awwalan, et al-ulama yadhkurun hadha, que ce soit un petit péché ou un grand péché, celui à qui tu désobéis, c'est Allah Azza wa Jal. Et Hada, c'est très grave. Et bien sûr, il y a une énorme différence entre les grands péchés et les petits péchés. La question, là, c'est de vision des choses. Anna, le petit péché, c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut t'aider à t'écarter. Et avec ce mithal que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité encore plus. قَالَ فَإِنَّ مَثَلُ مُحَقَّرَةَ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمْ نَزَلُوا بَطْنُوَتْ. تَأَمَّلْ. C'est comme un groupe de personnes qui sont dans une vallée. فَجَاءَ ذَا وِعُودِ وَجَاءَ ذَا وِعُودِ حَتَّى جَمَعُوا مَا قَالَ حَتَّى جَمَعُوا مَا نَضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَةَ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَدْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ. Il a donné cet exemple. C'est comme un groupe de personnes qui sont dans un endroit et ils désirent allumer un feu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hada va venir bi'oud. Hada va venir avec une brindille. Hada va venir avec un bout de bois. Hada va venir avec telle chose. Maintenant, à notre époque, avec un bout de papier. Avec... Kul wahed, il va donner, à la fin, ça va donner un énorme feu. Hakada al-dhunub. Al-dhunub, c'est un sebeb, c'est une cause qui peut faire tomber fi had al-nar. Et ce feu, il est fait de péché. Ce petit péché avec ce petit ilah. Bel, Cheikh Ibn Uthaymeen, wa ghayruhum min ahli al-ilm, qalu anna, les petits péchés, s'ils sont faits régulièrement, sans tauba, et l'insan, il prend l'habitude, ça devient un grand péché. C'est pas le péché lui-même. Là, c'est le fait de le faire toujours. Enfin, cette régularité, yadam billah, dans ce péché, ça devient un grand péché. On doit faire attention. On doit faire attention. Ce feu, cet énorme feu, il est fait de tel brindille, hatta c'est devenu un feu. فَهَكَذَا الذُّنُوبُ فَلِهَذَا قَالَ مَتَ يُؤْخَدْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ. Surtout, si tu médites sur هذا التعويل, مُحَقَّرَةَ الذُّنُوبُ. Pensez que c'est pas grave. Mais c'est rien, tout le monde le fait. Mais c'est qu'un petit péché. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Non, ça ne fait pas sortir de l'islam, lakin al-dhunub, quand le cœur il s'habitue à ses péchés, le cœur il durcit, noircit, comme a déjà fait le hadith, tuj'ala wa tunkat fi qalbihi nuktatan sawda, un point noir dans le cœur, comme un autre péché, hatta ce cœur il peut durcir et ça peut conduire à des choses très très graves. Al-ulama qal wal ma'asi barid al-kufr, les péchés c'est le chemin du kufr et le chemin qui mène au kufr. Et en tant qu'Ahl Sunna, wallahi alhamd, on a la croyance que les grands péchés, ça ne fait pas sortir de l'islam, lakin tel péché, ça peut pousser l'insan, son cœur est durci, et il tombe dans des choses très très graves, hatta il fait du kufr, et ce kufr, il lui fera énormément de mal. Hada ma'ana hada al-kalam al-jamil de ce poète al-Quraizi. Qala Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité un autre vers au قبل ذلك نعم الواجب على العاقل ان يبدا بالصنائع والاحسان الافرض فالافرض يبدا باهل بيته ثم باخوانه وجيرانه ثم الاقرب فالاقرب. Et ce point est important dans tous ces chapitres qu'on vient de lire, ce chapitre, celui d'avant, le précédent كذلك, sur le fait de donner, de s'entraider, tout ce qui est lié à l'entraide, à sadaqat, à donner. Anna, tu ne vas pas négliger, Anna, les gens ne sont pas tous au même niveau. فَلِهَذَا قَلْ يَبْدَ بِالصَّنَائِعِ بِالْأَحْسَنِ الْأَفْرَضِ فَالْأَفْرَضِ. Maintenant, les besoins de tes parents, ce n'est pas comme les besoins d'un autre. Les besoins de tes enfants, c'est pas comme les besoins d'un autre. S'entraider avec ton voisin, c'est pas comme s'entraider avec un étranger. Enfin, ton voisin, il a un haq. Tes parents, ils ont encore un haq plus grand. On doit pas négliger ça. Aller rendre service à des amis et délaisser ses parents qui ont besoin. Obama, il délaisse ses parents toute la journée. Ils ont un énorme besoin. Et cette journée, il l'a passé où? Il a aidé un tel. Là, il y a des priorités. Ça nous montre. Ce que l'ulama, ils appellent le masalih. En tant que mu'min, tu dois connaître des règles. Tu as, maintenant, l'après-midi. Cet après-midi. Ou plutôt, on prend l'exemple, maintenant, cette soirée. Et tes parents, ils ont besoin de toi. Et un ami, il a besoin de toi. Tu ne peux pas faire les deux. Et c'est le même moment, maintenant, entre le maghrib et l'isha. Fafi hadal hal, tu dois faire passer les parents avant. Leur haq, il est avant. Peut-être que cet ami, il a des autres amis. Peut-être qu'il a des enfants. Peut-être qu'il a des frères, des parents qui peuvent l'aider. Probablement, tes parents, ils n'ont que toi. Enfin, tu dois commencer par tes parents. Ah, là, c'est important que d'aller, de ne pas tout mélanger. Les nalbad, ils veulent faire du khir, là, qui ne s'éparpille. قال ثم ثم ثم بإخوانه وجيرانه ثم الأقرب فالأقرب. Donc dans le ta'awun, si tu veux donner, si tu veux aider, etc., n'oublie jamais هذا. Il y a des priorités. Pardon, maintenant ils laissent leurs épouses malades, des énormes besoins, avec les enfants. Elle est à bout, fatiguée, etc. Et il sort, ثم l'excuse c'est mais un tel je devais aider. Là, il doit être responsable. Et on doit tous craindre Allah Azza wa Jal. Il y a un haq bi hada ta'awun. Il y a un haq bi hada ta'awun. Anna, tu t'entraides et c'est un wajib, c'est la mère de tes enfants. Et alhamdulillah, le profil est pour toi, kadhalik. Si elle va mieux, bien sûr que c'est pour toi. Qala wa yataharra fil ma'ruf al ihsan fi ahli d-din wal ilm minhum. Kadhalik, un autre cas. Tu peux aider un qui fait beaucoup d'efforts dans din, dans l'ilm, etc. Et un autre qui a un besoin, il a des faiblesses, il fait des péchés, il n'est pas sérieux dans son din. Tu fais passer ahlou din avant. Si tu l'aides, peut-être qu'il va faire des efforts, il va faire profiter l'umma. Contrairement à l'autre, peut-être que le bien il est restreint qu'à lui. Qala wa yajtanib dhidh ma qulna li anna مثلا من لم يفعل مثل ما أومأنا أي أشرنا إليه نعم كما قال أو كما أنشدني الحسين بن أحمد البغدادي تصول على الأدنى وتجتنب العدى وما هكذا تبنى المكارم يا يحيى فكنت كفحل السوء يبدأ بأمه ويترك ما بقي الخيل سائمة ترعى صحيح. Il mélange, il délaisse l'aham, il délaisse l'essentiel, la priorité, le plus important, et il s'occupe d'autres choses beaucoup moins importantes. قال وأنشدني البسامي, le deuxième verset, c'est الشهيد, قال كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الظلال مع القصد. مثال جميل. Il a dit, ceux qui n'ont pas le sens des priorités dans l'entraide, c'est comme une femme qui a l'aide les enfants d'une autre femme et elle délaisse ses enfants. Ses enfants pleurer et mourir de faim. Et elle dit là, mais moi je veux m'entraider, je veux m'aider, je veux m'entraider avec cette femme, je veux l'aider plutôt. Là c'est plus clair. Je veux aider cette femme, enfin je vais allaiter ses enfants. Thomas, les gens lui disent, ya foulan alakin tes enfants, tu vas les laisser mourir de faim. Enfin, hada la chak, c'est minel djel. C'est minel honk. C'est pour ça que هذا الشاعر لا فسد بريسيزيون كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الظلال مع القصد. Ça c'est important. Si on prend l'exemple de l'mor'a, on a cité l'exemple de l'homme, on cite l'exemple de l'mor'a, anna l'mor'a كذلك, elle doit avoir des priorités. La priorité c'est ses enfants, c'est son mari. Tu trouves بعض النساء, elle perd du temps même au nom de l'entraide, que ça soit au téléphone avec des conseils ou autre, et elle délaisse الواجب العظيم ses enfants et son mari. ففي هذا الحال on doit faire attention. Beaucoup de problèmes يا إخوان, problèmes de couple ou autre, des problèmes de famille, des problèmes, c'est que les priorités, elles ne sont pas maîtrisées. Tu trouves, Ardanaz, ils font du khayr. Lakin, ils font le khayr au mauvais moment, avec la mauvaise personne, ils te laissent ce qui est plus important. Ton ami va être content de toi, là. Ton ami, si on lui demande, il va dire, il n'y a pas mitl voulan. Oh, mitl voulan. Lakin, si on demande au mari, oh, pour le cas inverse, on demande à la femme, allez, ils vont dire là, Hadaï, il ne me donne pas mes droits. Donc, Akhil Karim, fais attention à tes efforts. D'où l'importance du ilm. Il y en a, on peut se demander, mais comment faire? Il y en a chaque chose, il y a des priorités. Dans tout, ces priorités, tu les apprendras avec l'ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah, c'est la plus grande priorité. Celui qui commence l'ilm, ou dans l'adoration, par autre que tawhid, il se fera beaucoup de mal. Peut-être qu'il va apprendre des choses, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il annule tout cela avec du shirk. Fa'alam annahu la ilaha illallah, la priorité. Et dans toutes les choses, il y a des priorités. Est-ce que quelqu'un accepterait un patron, il emploie un wahed, il l'emploie, et il va travailler pour un autre. Il dit là, j'ai envie de faire du bien, l'autre entreprise, elle avait besoin de moi. Personne n'acceptera ça. C'est lui qui te paye, c'est ta priorité, c'est de travailler chez lui. Enfin, c'est قال رحمه الله الهمج من الناس إذا أحسن إليه يرى ذلك استحقاقا منه له ثم يرى الفضل لنفسه على المحسن إليه فلا يحمد عند الخير ولا يشكر عند البر ويتعجب ممن يشكر ويذم من يحمد. هذا تقدم معنا. هذا on l'a déjà vu dans un chapitre précédent. لكن c'est un bon rappel هنا. أن الهمج من الناس صحيح ceux qui ont un mauvais comportement, beaucoup d'ignorance. إذا أحسن إليه, si quelqu'un lui fait du bien, يرى ذلك استحقاقا, il se comporte comme si c'était une obligation, c'est mérité. Et c'est comme si celui qui a fait le bien, c'est quelque chose de normal pour lui, il n'avait pas le choix, il devait faire ce bien. ثم يرى الفضل لنفسه, ben il pense que c'est lui, le mérite il revient à lui. C'est pour ça que c'est ajib. Et on demande à Allah salam, un al-ba'd sahih, il se comporte avec ceux qui leur font du bien comme s'il leur faisait du mal. L'imam Ali, il pense que le bien, il vient de lui. C'est pour ça qu'il n'est pas reconnaissant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu le trouves, hada inda al-ba'd. Ils ne sont même plus reconnaissants envers les autres, alors que les autres, ils leur font du bien. Wa naktafi bihada. Le temps il est passé. Alhamdulillah, stafadna. Aujourd'hui, on a lu ensemble deux chapitres. Le 44e, Istihbab al-Tafrij, Aninnaz, Biqadar al-Hawa'ij, s'entraider avec ses frères, est une cause pour alléger, pour assister nos frères qui sont dans le besoin. Et le deuxième chapitre, I'ata al-Su'al, donner à ceux qui demandent, tant qu'il n'y a pas une preuve que c'est des menteurs, etc. والحمد لله رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسلام لجميع إخواننا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.